Dans le premier tome plutôt plaisant de Ghost, nous faisions connaissance avec un fantôme à l'apparence d'une jeune femme et qui était en quête de son identité, identité qu'elle a fini par trouver, et nous allons dans le tome 2 suivre une nouvelle aventure de cette jeune femme au scénario toujours Kelly Sue DeConnick, connue notamment pour son travail chez Marvel sur Captain Marvel, mais aussi sur la série Pretty Deadly qu'on peut suivre déjà chez Glénat Comics et Beach Planet qui arrive cette année chez le même éditeur. Elle est accompagnée au scénario par Christopher Sebela, dont j'ai eu l'occasion de vous parler notamment pour Dead Letters. Et au dessin, on retrouve un trio de dessinateurs, parmi lesquels Ryan Sook, qui est un dessinateur de comics qui a travaillé notamment sur Seven Soldiers, X-Factor et The Spectre, et Geraldo Borges, que l'on connaît entre autres pour Nova et Justice League. Dans ce deuxième tome de 112 pages intitulé Le Boucher dans la Ville Blanche et qui contient les 4 premiers épisodes de la série Ghost chez Dark Horse, 112 pages pour 14,95€, nous allons suivre Elisa Cameron, puisque c'est donc l'identité de cette revenante, qui se met en quête de débarrasser la ville de Chicago de tous les monstres et autres créatures démoniaques venues des autres dimensions, et qui va rapidement au début de ce volume croiser le chemin d'une personne qui semble être une vieille connaissance, puisqu'elle reconnaît cet homme-là sans savoir qui il est et pourquoi elle le reconnaît. Elisa va donc se mettre en quête de découvrir l'identité de cette personne et le lien qu'elle a pu entretenir avec lui par le passé. Et cette histoire va être entremêlée avec une enquête concernant un tueur en série qui sévit dans la ville de Chicago et qui semble ne laisser aucune trace derrière lui. Ce deuxième tome très entraînant se lit rapidement, peut-être même un peu trop. L'histoire est très fluide, coule rapidement, mais est quand même assez simple et presque prévisible. C'est toutefois intéressant de voir Elisa enquêter sur son passé un peu plus de manière approfondie, pour en savoir plus notamment sur les liens avec cet homme. L'intrigue autour du tueur en série est elle aussi plaisante, mais il manque quand même quelque chose pour faire de ce tome quelque chose de vraiment incroyable et de vraiment très bon. Kelly Sue DeConnick est plutôt efficace. Je n'aime pas d'habitude son travail, mais là je dois dire que j'ai plutôt passé un bon moment avec cette intrigue. À mon sens, trop rapide, un peu trop simple et peut-être prévisible, qui possède surtout, à mon avis, le défaut d'être résolu trop rapidement et de manière facile. En ce qui concerne la partie graphique, le trio de dessinateurs signe une performance propre, plutôt de bonne facture, mais on ressent évidemment la disparité des dessins. Trois artistes sur un arc de 4 épisodes, ça fait beaucoup, et on sent quand même une inégalité et un contraste lors du passage d'un artiste à l'autre. En termes d'édition, 112 pages pour 14,95€, quand ça se lit aussi rapidement que ce volume-là, c'est un peu cher, on va pas se mentir. C'est un des points faibles de ce bouquin, c'est qu'il va être du coup, à mon avis, peu abordable et peu suivi par sa faible pagination et son prix de 15€. Quand on sait que certains éditeurs proposent pour 10€ des tomes de 6, 7, voire même 8 épisodes, ce qui est le cas notamment de Trees, tome 1 chez Urban Comics, le tome 2 de Ghost fait pas le figure à côté pour ses 15€ pour 112 pages, dont les bonus. La dizaine de pages de bonus fait partie de la pagination, et du coup on se retrouve avec seulement une centaine de pages de lecture, assez rapide qui plus est. Donc gros bémol concernant l'édition pour cette fois-ci. Pour résumer, si on passe un plutôt très bon moment en lisant ce tome 2 de Ghost, l'histoire est quand même simple et souffre d'un changement de dessinateur un peu trop fréquent, et d'une édition un peu chère par rapport au nombre de pages, ce qui fait que la note de ce tome 2 de Ghost est de 12,7. N'hésitez pas vous aussi à venir sur comicstories.fr, donner votre note à ce tome 2 et à développer éventuellement votre avis dans les commentaires de l'article. Évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine review.